L'Amérique avec ou sans voiture. Comment Faustine va-t-elle s'y prendre pour distraire son invité, habitué à la trépidante vie parisienne, dans ce pays où il est impossible de cumuler deux passes sans automobile ou de respirer sans télévision? Voilà qui n'était pas prévu au programme. Le jeune homme n'hésite pas à manifester bruyamment son ennui. Il a tenté de visiter les environs à pied, mais dans le lotissement qui s'étend à perte de vue, toutes les maisonnettes se ressemblent. Il s'est posté au bord de la grande route et regardé défiler les impressionnants camions avec leurs cheminées et leurs chargements colossaux. Il a même tenté le camion stop en vain. On aperçoit au loin la crête des Blue Ridge Mountains. Hélas, à 1 heure de route. Pas moyen d'aller pique-niquer dans les bois. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Jack n'aime pas lire. Finalement, ce n'est pas plus mal, vu que Faustine n'aurait que le Lys de Brooklyn à lui proposer en français. Elle doute fort que ce soit sa tasse de thé. Désœuvrés, les jeunes gens passent leur temps dans la zone commerciale située à l'entrée de la ville. Ils y achètent force bière et crackers, ces petits biscuits bien gras et bien salés qui donnent soif. Le reste du temps, ils prennent le soleil sur la pelouse devant la maison, laissant le gazon devenir prairie et monter bien haut, au grand dam des voisins qui ne tardent pas à se plaindre, leur crainte étant de voir surgir des bêtes sous leurs roues. Mais là aussi, Faustine et Jack se sentent impuissants. Quand Maxime a loué la maison, c'était l'hiver. Le gazon, recouvert de neige, ne hurlait pas à la tonte. Donc, deux tondeuses, point. Pas d'autre choix que d'attendre le retour du chef. Par chance, Jack est un bavard intarissable. Il met à jour les données de Faustine sur la politique du pays et les récents faits divers qui ont bousculé l'actualité. Faustine avait été choquée d'apprendre la victoire socialiste et l'élection du nouveau président de la France, François Mitterrand, par un simple flash info. Imagine cette bande d'ignares, ils savent à peine où elle se trouve, la France. C'est vite vu, pour eux, on est juste une vague peuplade d'Afrique du Nord, et encore. C'est vrai que ça fait drôle de ne plus être le nombril du monde, hein? Non seulement, mais en plus, les rares qui sont au courant nous reprochent d'avoir un président communiste. Ils ne font même pas la différence entre socialisme et communisme. Du coup, ils nous traitent comme des criminels. La guerre froide est loin d'être finie, crois-moi. Actuellement en Amérique, il vaut mieux être suisse que français. À ta place, Faustine, je ne craindrais pas trop. Juste avant mon départ, un scandale a éclaté en Suisse au sujet de cobayes humains découverts dans une clinique. Papa l'a lu l'autre jour dans la tribune de Genève où il donnait un concert. L'Espagne aussi est en ligne de mire. On parle d'huile frelatée. Paraît que c'est moins grave que les révélations sur le bœuf aux hormones de l'an passé. Pourtant, il y en a eu des morts. Ah, j'oubliais. L'autre jour, on a tiré sur Jean-Paul II. Finalement, reste peinarde dans ta combousse à l'abri des nouvelles du monde. Au moins, tu as de la musique. Si Jack joue de la trompette, sorti premier prix du Conservatoire de Paris quand même, son père est reconnu comme l'un des meilleurs musiciens de jazz en France, l'un des plus réputés avec Claude Luther, Maxime Souris, Claude Bolling, Michel Legrand et quelques autres. Il se produit à Paris. Le Slow Club est son fief. Mais aussi dans toute l'Europe, où les contrats rapportent souvent plus. Sauf pendant l'été et la tournée des plages de France, sponsorisée par Europa. Karl Laclairière y a partagé la vedette avec Lucien Jeunesse et son jeu des 1000 francs, produit lui par France Inter, pendant 3 années consécutives. Dernièrement, il a fondé un sextet dans lequel jouent ses deux fils, Jack, le cadet de la trompette, et Tony, l'aîné de la batterie. Ça frôle la perfection, mine de crayon, comme le répète Jack à l'envi. Faustine attrape la balle au bon, évoquant la tentative d'assassinat sur Reagan, la mort de Bob Marley, et last but not least, le mariage de Charles et Diana, dans quelques semaines, qui intéresse infiniment plus les ricains que toute l'agitation du monde. Bon, bah c'est pas tout ça, mais il fait soif. On va s'acheter des bières à la station-service. En sortant de la boutique, bien chargée, ils jettent un coup d'œil vers les pompes à essence, espérant rencontrer quelqu'un allant dans leur direction. Un pauvre bougre attend son tour pour faire le plein. Un brown bag, de ceux qui ne sont pas innocents, devant lui. Grand, maigre, de longs cheveux bruns filasses, un visage en lame de couteau, il ne paye pas de mine. Il est manifeste qu'il n'a pas bu que du petit lait. Il fait tellement pitié à Faustine qu'elle entame la conversation. « Bonjour, vous allez en ville ?»« Non, nope, je vais à Front-Royal. »« Enfin, plus loin, dans la forêt, c'est là que j'habite. »« Parfait, vous passez devant chez nous. Ça vous dirait de nous raccompagner et de venir boire un verre ? On pourra parler ?»« Pourquoi pas. Montez, je m'appelle Franck. »« Enchanté, moi c'est Faustine, et voilà Jack. » Quelques minutes plus tard, le trio est attablé devant une bouteille de chardonnay, un petit vin blanc californien relativement buvable. Très vite, Franck fond en larmes. Il raconte sa triste vie. Sa femme vient de le quitter. Elle a fichu le camp avec les enfants. Menuisier de métier, il leur avait pourtant construit une magnifique maison dans les bois. Un paradis sur terre. Tout près des Blue Ridge Mountains. Mais voilà, Madame s'ennuyait et a subitement décidé de repartir dans sa famille avec leurs enfants. Faustine sort les mouchoirs. De fil en aiguille, le trio finit la bouteille. On commence une autre, puis se fait livrer du poulet frit, des patates purées et du coleslaw, salade de chou blanc cru râpé. Après ce festin, plus question de conduire pour Franck, d'autant qu'il avait commencé l'imprégnation bien avant leur rencontre à la station-service. Faustine lui installe un lit de camp de réserve dans l'office. Le lendemain matin, gueule de bois sévère. Comme toujours dans ces cas-là, grosse remise en question sous le coup de la culpabilité. Conséquemment, Faustine prend la décision. Elle va travailler. Ainsi, elle montrera à Maxime son désir de collaborer aux finances du ménage, subsidiairement à l'achat de leur future voiture. C'est bien joli tout ça, mais par où commencer? Et si elle retentait sa chance au restaurant français? Peut-être qu'ils seront contents d'avoir une aide de cuisine pour soulager les deux chefs enceintes en attendant qu'elle parte en congé maternité et que Philippe trouve quelqu'un d'autre. Reste à convaincre les garçons de l'amener là-haut. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle les réveille en fanfare, sans aucune empathie pour leur état. En route, ils passent devant de grands panneaux proclamant à tout va la grande fête annuelle du village dans un proche avenir. Faustine note l'idée mentalement. Et si elle participait? Voilà un autre moyen de gagner quelques dollars. Elle montrait un stand, une table et une chaise suffiraient pour proposer les jolis paniers de sa fabrication, ainsi que quelques friandises. Il faut qu'elle en parle à Franck, peut-être pourra-t-il transporter le matériel avec son truck. Devant le restaurant, Faustine admire la beauté du bâtiment. Jeudi lui a dit que l'immeuble a été construit en 1830. Il est situé dans le quartier historique, comprendre vieux, de Warrenton, au numéro 67 de la rue de Waterloo. Le patron, Philippe, l'accueille jovialement. Faustine explique ce qui l'amène et ce qu'elle propose. Effectivement, Bridget, la chef en titre, tout comme Allison, son épouse, apprécierait bien un peu d'aide. Elle commence à se sentir lourde ces temps, d'autant que l'été s'annonce chaud. Marché conclu donc. Faustine commencera le lendemain de la fête de Warrenton, si cela lui convient. Elle jubile. Toute seule à son âge, elle a trouvé du boulot en Amérique, en noir mais quand même, et ça n'a pas été si difficile. Le trio, tout joyeux, décide de fêter ça. Quelques bières plus tard, Franck, fort de ses nouvelles amitiés, propose d'emmener Jack et Faustine dans ses montagnes natales. Il leur fera visiter la région, ainsi que sa maison, momentanément désertée. Il espère du moins que c'est temporaire. Le côté génial des pick-up américains, c'est qu'on peut s'asseoir à trois devant. Franck derrière le volant, Faustine au milieu et Jack côté portière. tout en se dirigeant vers les Blue Ridge Mountains qui font partie de la chaîne des Appalaches, une chaîne qui s'étend sur 2000 km de l'Alabama au Canada, Frank raconte son enfance. Quand il a eu 15 ans, un matin, à l'aube, son père l'a emmené en pleine forêt, à des miles de toute civilisation. Elle l'a planté là, avant de disparaître. Au jeune homme de se débrouiller pour survivre une semaine, avec un couteau de poche, une couverture et une gourde, puis de retrouver son chemin jusqu'à la maison à l'aide de sa boussole. Au préalable, son père lui a appris à allumer un feu, à trouver de l'eau, poser des collets et pêcher à main nue. À se protéger aussi, parce que les Appalaches sont connus pour héberger des ours noirs, des cerfs, des loups, des pumas et des lynx. Avec un peu de chance, il piégera des lièvres ou des gélinottes, en plus d'attraper des truites sauvages. Frank a étudié quelques plantes aussi, surtout les toxiques, afin de ne pas se tromper. On en a connu d'autres qui se sont empoisonnés par ignorance, dit-il en riant. Lui, heureusement, a très bien vécu ces quelques jours d'initiation qu'il considère aujourd'hui comme faisant partie des plus beaux de sa vie. Il n'a même pas souffert de solitude. Les voilà rendus. Frank se gare près d'une adorable maisonnette, bien cachée au milieu des bois. Faustine et Jack sentent que le moral de leur hôte baisse de plusieurs crans. En dépit du bon sens, il espérait peut-être que sa femme serait rentrée avec les enfants. Il doit l'attendre jour après jour, le pauvre. C'est pathétique. À l'intérieur, la maison paraît plus grande, mais quelque peu dévastée. On dirait que madame est partie rapidement. Sur le mur, une photo trône, grandeur poster. On y voit une jeune femme magnifique, longs cheveux en liberté, souriante, très belle, très mince. Elle tient deux enfants dans ses bras. Son mari précise que c'est ainsi qu'elle était à 25 ans. Aujourd'hui, elle est dépressive et pèse 120 kilos. Faustine compatit. En ce qui la concerne, si son Maxime était d'accord de l'épouser et de lui faire des enfants, elle ne tomberait certainement pas en dépression. Frank range sommairement la maison, puis propose de cuisiner. « D'accord, avec plaisir, mais laisse-nous t'aider. » Faustine et Jack y mettent tellement de bonne volonté que le moral de leur nouvel ami remonte en flèche. Le nouveau trio finit par s'attabler dans le patio devant des hamburgers maison qui tiennent la route. Après ce repas roboratif, largement arrosé de bourbon, Frank les ramène. Faustine lui parle de la fête de Warrenton et de son envie d'y participer. Frank offre illico de lui construire un stand. Facile pour lui avec quelques bouts de bois qu'il s'est trouvé dans sa cour. Et la jeune femme n'aura plus qu'à le décorer un peu. Quelle chance d'avoir rencontré un menuisier. À samedi alors.